Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Mais le vieux chalet de mon enfance n'a pas résisté. De mon jardin secret, il s'en est allé. Effacé par tant de neige, tant d'hiver et tant d'années, du jardin de mon cœur. Mes fantômes le faisaient craquer de tout bois, porté par les vents au lit. En souvenir du temps où il jouait avec moi, aux fantômes gentils. Sur la montagne, l'été est un vieux chalet. Tu allais d'un pas léger et sans te préoccuper des joies de l'été. Profitant du mois de mai, tu cueillais le blanc de guerre, le cœur bien en paix. Tu allais sans te douter de ce que la allait apporter. Un beau jour, un beau matin, à la croisée des chemins de nos souvenirs. Là-haut sur la montagne, était un vieux chalet. Je suis reparti souvent à la recherche du passé, où mon vieux chalet se profilait. À sa fenêtre toujours des yeux qui me souriaient, comme des fleurs un bouquet. Je l'ai retrouvé envahi par les genêts, les volets pendants. Le jardin ressemblait à la forêt d'à côté, domaine des vents. Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. La la la la la la la.